Chapitre 4. La jeune femme se leva et fit quelques pas. « Allons plus loin, » dit-elle. « Cette pauvre planche me fait de la peine. Elle ne peut ni s'écarter ni trouver un port. Elle trouvera bien quelqu'un pour la sécher et la brûler, » répondit Roger. « Eh bien, » fit-elle en tournant vers lui son visage soudain enfiévré, « elle sera au moins bonne à quelque chose. Elle apportera dans la cabane la flamme et la chaleur qu'elle possède en elle. Cela ne vaut-il pas mieux que d'errer toujours, incessamment battue par les tempêtes ?» Elle s'assit sur le galet et promena son regard autour de l'horizon toujours chargé de nuages. Le soleil avait disparu, et toute la tristesse de la tempête revenait plus intense, avec une pluie méchante et rageuse qui les frappait au visage. Elle ne la sentait certainement pas. L'endroit où il s'était assis formait une petite crique, et la vague, moins profonde, y était aussi moins bruyante. Ils pouvaient se parler et s'entendre. Cependant, il se trouvait tout près d'elle. « J'aurais aimé, » dit-elle, de cette voix trempée de larmes qui la rendait si vraie et si touchante, « une petite maison avec un jardin, beaucoup d'air, beaucoup de lumière, du soleil de tous les côtés, un peu d'aisance. Mais cela, je l'ai, et ne le dois à personne. C'est tout ce qui me reste de mon enfance heureuse. J'aurais voulu un être à aimer, qui ne fût pas un chien, car les chiens meurent avant vous et on les pleure. Un être à aimer, qui ne m'eût ni en mépris, ni en pitié, qui m'aimât comme une créature semblable à lui. Et pour celui-là, ainsi que l'épave de là-bas, j'aurais donné ma flamme et toute ma chaleur, dussé-je mourir rapidement consumé. Mais pas sans avoir fait un peu de bien, pas sans avoir connu la joie du sacrifice récompensé. Je n'ai jamais connu que l'autre, celui qu'on vous reproche en vous disant « je ne l'avais pas demandé ». Il la regardait, interdit, n'osant la comprendre, n'osant lui répondre. Est-ce que, vraiment, elle voudrait, après tant de souffrances qu'il ignorait, mais qu'il devinait si bien, mettre sa main dans celle d'un honnête homme, simplement de cœur et de goût, sans grande fortune, elle faite pour porter hardiment toutes les couronnes? Mais non, reprit-elle, je suis l'épave qui flotte à toutes les vagues, qui bat tous les rivages, et je mourrai réduite en poussière contre tous les rochers de la vie, sans avoir éclairé ni réchauffé de foyer. Elle s'est élevée et marchait sur le sable que la mer, en se retirant, laissait à sec peu à peu. À ce moment, une vague monstrueuse s'avançait. Roger se recula, instinctivement, croyant que sa compagne faisait de même. Soudain, dans l'écroulement du flot, il entendit un cri et vit rouler une forme brune. Semblable à l'épave, elle flottait dans la transparence glauque de la vague, abandonnée comme un corps inerte. Sans pousser un cri, les dents serrées, décidé à reprendre sa proie à l'océan trop avide, il entra dans l'eau, reçut sur la tête le choc de deux ou trois lames, plongea, reparut, saisit le corps qui ne résistait pas et le rapporta sous le rivage, serré contre sa poitrine. Il courut jusque derrière le galet, et là, sur une couche de sable fin, il déposa celle qu'il avait reconquise. Elle ouvrit les yeux et les fixa sur lui, avec quelle douceur soumise, avec quelle tendresse éperdue. « Vous m'avez sauvé, » lui dit-elle d'une voix faible et sans pouvoir remuer, dans le grand engourdissement de tout son être. « Je suis l'épave. Savez-vous que l'épave est à celui qui la sauve ?»« Je le sais, » répondit-il en la regardant comme une mère regarde un enfant malade. « C'est ainsi que vous êtes à moi pour toujours. » Ainsi s'achève l'épave par Henri Gréville.